affeuillante. Quand l'automne pâle joue des feuilles des arbres et s'invite à nous aux ombres de l'eau, sous le visage clair de l'air de l'hiver, du ciel de mer rouge feuillantine. Et voilà qu'on dîne en ce beau printemps, peuplé de lumière et de jeux charmants. Ciel, voici les arbres allées de l'automne, rouge de la terre, de l'aube qui frissonne, du corps qui se défend, de l'âme tempêtante, aux couleurs de vie, cendre de la nuit, du soleil levant, aux lunes d'argent, de l'amour qui s'enjoie, de ce temps qui joue avec les beautés du ciel de l'an. Feuilles sous les arbres, au travers des bois, chardons de la lie à la prochaine vie.